bonsoir. Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir c'est dur parce que il y a un serveur avec un roi de la technologie qui balance des samples. Alors je sais pas si ça joue pas, je vais aller voir ailleurs. Attends, il reste vodka. Vodka barrique. Vodka barrique. T'es là, Batocha? Ouais, salut. Comment on fait? Je sais pas, ce soir. Et toi, tu fais de la batterie? Donc, faut demander à monsieur Jaws s'il veut arrêter, s'il veut te laisser jouer. Et s'il nous entend. Parce que lui, à mon avis, il joue pas de la batterie. Hein. Non, mais c'est rare hein, que ça se passe comme ça. Des fois, ça se passe bien. Monsieur, t'as compris, je crois. Donc, je crois que tu vas pouvoir jouer. Je sais pas s'il est français. Hein. Des fois, ils sont pas français. Alors, des fois, ils sont pas français ou des fois, ils ont pas envie de parler. Lui, c'est la première fois que je l'entends métal, je sais pas quoi. C'est un style de musique. Maintenant, le problème, c'est qu'il gère pas bien la machine, quoi, parce que il y en a qui savent gérer des trucs comme ça, mais lui, c'est un peu merdique, quoi. Bon, tu vois, là, je vais demander si est-ce qu'il y a un bassiste. Ouais, mais si. Moi, j'aime bien récupérer les MP3 quand c'est pas mal pour les réécouter. Donc, si c'est un truc où t'as muté, mais malheureusement, en enregistrement, c'est pas muté. Ah ouais. Bah moi, la batterie, j'en ai fait un petit peu, mais je joue très mal. Et quand il y avait des bons batteurs, et bah, j'arrêtais de jouer. Et je prenais un pipeau. Tu vois, voilà, ils sont partis là. Voilà. Donc, eux, à mon avis, ils ont envie de jouer ensemble. C'est possible, hein. Quel est sur lui. pas grave, on va lui piquer son billet. Tu vois ? Le mec, c'est pas grave parce que le riff de basse il est bien. Et moi je vais la récupérer sur le riff de basse. C'est un morceau. Merci, c'est un morceau. Et là maintenant on joue. Ta vidéo, la deuxième elle est nulle. La première elle est bien faite, la deuxième franchement c'est à chier quoi. Attendez à mieux. La première était bien. Alors, j'ai regardé personne. Ils ont tous aimé la première. La deuxième elle est vraiment nulle à chier quoi. On sent que t'as pas travaillé quoi. T'as perdu le talent. Mais bon, j'aime toujours pas ta musique. J'essaie. J'y arrive pas. Je les ai gardés en MP3 d'ailleurs, les morceaux. Ils sont où? MP3. Ça s'appelait comment cette merde là? Attends. Ah non, je les ai jetés. Ah si, Second Side. C'est pas ça? Second Side. Hardcore. Attends, je vais faire du... C'est du hardcore. Tiens, écoute. Je sais pas s'il va reconnaître.